Chapitre 353. La réprobation de privilégier certains enfants par rapport aux autres dans les dons. 1773. An-Nu'man ibn Bashir, radiyallahu anhuma, rapporte que son père le conduisit auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, auquel il dit « J'ai offert l'un de mes esclaves à mon fils que voici. As-tu fait un don semblable à chacun de tes enfants ?» demanda le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. « Non, répondit-il. Alors reprends-le, lui ordonna-t-il, sallallahu alayhi wa sallam. » Dans une autre version, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « As-tu agi ainsi avec tous tes enfants ?»« Non, répondit-il. Craignez Allah et soyez juste envers vos enfants, dit le prophète, alayhi salatu wassalam. » Il repartit alors et reprit son cadeau. Dans une autre version encore, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, demanda « Ô Bachir, as-tu des enfants autres que celui-ci ? » ? Oui, répondit-il. As-tu donné un cadeau identique à chacun d'eux ? Demanda-t-il, alayhi salatu wassalam. Non, avoua-t-il. Alors ne me prends pas à témoin, car je ne peux être le témoin d'une injustice. Dans un autre récit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wassalam, a dit : Prends quelqu'un d'autre à témoin. Puis il ajouta : N'aimerais-tu pas qu'ils te traitent tous avec le même respect ? « Si, répondit Bachir, alors n'agis pas ainsi, conclut le prophète, alayhi salatu wassalam. » Al-Bukhari et Muslim.